monde est stone, hein. Alors check. Le monde est stone, bien avant que je m'abonne au code, que la dope se mêle aux doctrines, mettre la dose prescrite, une cause, cribler l'équipe en masse, dans la masse. On cause de tripes à vendre, aller de l'avant, terrorise les gros risques peu, seuls les petits peuples les ont pris, on s'en prie au dépourvu, chaque jour s'empile les épreuves, pourvu qu'on crève nos rêves, nous rend épaves le long des avenues. Théorex, le menu morbide, au théorème. Crime sans mobile, on vit plus sans mobile. On s'immole pour être audible. On dîne étourdi, loin des taudis. Les discours sordides sombrent dans des ondis. Tandis Trachy joue le dandy. La France avachie n'a plus rien de solide. Les foyers dégoulinent. Entre les cris, les larmes des enfants, entre la ville. L'high-tech est tabou, t'as beau dire, les satellites un délire satanique. De la CP au GPS on t'analyse, sale télétique, je te parle même pas des flics. La politique, ils nous ont mis la trique, j'assiste stoïque à toutes ces stories. Rien de torride, ça sent le coït, le monde est stone. Entre les huissiers, les justiciers, ruissellent les hommes troubles, les fausses recettes, la tête hors de l'eau, la force de sortir de l'eau, les espoirs vacants. Attends, l'amorce atroce, lorsqu'on les amorce, les bombes, les essais, les bombes reprennent de plus belle. Les SDF ont pour tutelle les poubelles, à travers les pixels, les décibels. On est tous coupables, de nos bouches, les coupables. Entre les cris, les larmes des enfants, entre la vie. Tracas au père avec père et fracas, implacable, chasse à l'homme, mafia, CIA, via les télécoms, charme à base de charge de chèque, Interpol, cherche les symboles, en pagaille, à Saint-Paul, on bafoue les droits de l'homme, les chaînes s'emparent du pétrole, en mer, c'est la totale, les attentats sont écologiques, pas de fantasmes, si t'en sais trop, cap sur les Bahamas, logique, du Fana au Famas, il n'y a qu'un pas, la fin est proche. Les présidents fantoches, fantômes, fantasmes portent la marque du pouvoir. On peut voir des vandales, des scandales. Tuer femmes, enfants devient banal. On simule des ordres pour voir des mules qui suivent les ordres. Le monde est stone. Trésor comme les pesos, tu fais pas le poids. Mes sauces veulent le plein emploi. Mais à chaque fois, le patronat leur envoie un doigt. Comment s'enrichir sans toi? Comment demain tu te vois? Parce que mon frère, le monde est stone. Entre les pieds.